Chapitre 32e, Florence fait un paquet. Bien que personne n'eût touché à Florence la moindre chose de l'infidélité qu'on redoutait de la part de Harry, elle ne pouvait se défendre d'être inquiète. Plusieurs semaines s'étaient écoulées sans qu'elle entendît parler de lui. Sa mère, évidemment, n'était pas tranquille et s'était montrée surprise et contrariée de n'avoir pas de nouvelles de son fils aîné. Quand Florence lui demanda à quelle occasion elle attendait une lettre, elle éluda la question, disant avec un air d'irritation plus affecté que réel, qu'elle aimait à recevoir une réponse aux lettres qu'elle avait pris la peine d'écrire. Et plus le jour du départ de Florence approchait, plus la vieille dame paraissait mal à son aise, montrant bien qu'elle était fâchée de voir sa fille aller à Londres. Mais Florence, qui était fort déterminée à partir, laissait tomber ses insinuations. Son père aussi paraissait mal à l'aise, et lui et sa femme évitaient de nommer Harry en présence de leur fille. Celle-ci comprenait que quelque chose allait de travers et était pressée d'aller à Londres pour savoir la vérité. Jamais cœur féminin n'avait été moins accessible aux soupçons que celui de Florence Burton. Dans son petit cercle, elle n'avait rien qui dût lui faire supposer que les hommes puissent être faux et les femmes pareillement. Quand Harry Clavering lui avait conté son histoire avec Julie Brabazon, elle n'avait pas en parole jeté la pierre à la coupable, mais s'était contentée de la noter dans ses papiers comme une femme méchante, effrontée, capable d'oublier son sexe au point de vendre pour de l'argent sa personne et sa beauté. Il pouvait y avoir par exception de ces femmes-là, et aussi des hommes de même trempe, comme il y a dans le monde des assassins. Mais le monde n'est pas rempli d'assassins. Pas plus qu'on ne se doute d'être assassiné par le premier venu, Florence n'avait entrevu la possibilité pour elle d'être victime d'une pareille trahison. De plus, à dater du jour où elle fut engagée, sa confiance dans l'homme de son choix avait été illimitée. Un amour comme celui qu'elle ressentait est rarement soupçonneux. Celui à qui elle avait affaire était Harry Clavering, et c'était assez pour qu'elle fût sûre de n'être jamais trompée. Enfin, le sentiment de ce qu'elle valait, et sa confiance en elle-même, ne lui eut pas permis de supposer qu'un homme, après l'avoir aimée, pût être tenté de la quitter. La foi échangée lui semblait un sacrement aussi sacré que celui de l'Église, et l'oublier que ce même gage n'avait servi de rien à Harry. En dépit de tout cela, elle sentait instinctivement que quelque chose n'allait pas, et qu'à son départ de la maison paternelle de Stratton, il fallait se préparer à de fâcheuses nouvelles. Quelles qu'elles fussent, elle les supporterait sans faiblesse dégradante, mais elles pouvaient être de nature à la faire retourner à Stratton, brisée dans son existence, bonne peut-être encore à soutenir dans leurs vieux jours son père et sa mère, mais certainement à rien d'autre. Ce matin-là, pendant le déjeuner, sa mère l'observait attentivement. Mais que servait d'observer Florence quand Florence ne voulait pas laisser deviner ses pensées? On lui donna force commission pour Théodore, pour Cécile, pour les enfants, pour tous les membres du clan Burton, qui se trouvaient alors à Londres, mais pas un mot qui concerna Harry Clavering. L'impossibilité de prononcer ce nom leur était à tous trois une amère douleur. Mais Florence la supporta comme l'enfant spartiate, le renard sous la tunique. L'indignation de Mrs. Burton était sur le point d'éclater. Mais elle avait été fortement sermonnée par son mari et se conta jusqu'à ce que Florence fût partie. « S'il s'avise de la tromper, disait-elle à son vieux mari, si dès qu'elle fût seule avec lui, il le payera cher. Dussé-je lui déchirer la figure avec mes ongles ?» « Absurdité, ma chère, absurdité !»« Ce n'est pas une absurdité, Monsieur Burton, et ça s'appelle un gentleman, et parce que c'est un gentleman, il lui sera permis de traiter ainsi ma fille. Je voudrais qu'il ne restât pas au monde un seul gentleman, alors, peut-être, y aurait-il plus d'honnêtes gens. » Ce qui lui était insupportable, c'était qu'une fille à elle fût la maltraitée. À l'arrivée du train au débarcadère de Londres, la première personne qu'aperçut Florence fut Cécile, et un instant après, elles étaient dans les bras l'un de l'autre. À une tendresse toute particulière dans les embrassements de sa belle-sœur, Florence reconnut tout de suite que ses craintes n'étaient pas sans fondement. Qui n'a eu l'occasion de pressentir une mauvaise nouvelle dans la ferveur insolite d'un baiser? Mais sur le quai et au milieu des porteurs, elle ne parla pas de ce qui la touchait. Elle demanda où était Théodore et parut ravie de le savoir dans la coalition des chemins de fer. « Je parie qu'il voudrait faire un chemin de fer de Hyde Park à la Tour de Londres, » dit-elle en souriant. Elle s'informa de la santé des enfants, et en particulier du baby, mais jusque-là, pas un mot de Harry Clavering. Enfin, les bagages furent retrouvés, et toutes deux montèrent dans un cab. À peine assise, Cécile saisit la main de Florence et la pressa vivement. « Cher, lui dit-elle, je suis si contente de vous avoir de nouveau chez nous. » « Maintenant, dit Florence avec un calme qui ne pouvait guère être naturel, dites-moi toute la vérité. » « Toute la vérité ? Quelle demande ? Et pourtant, Cécile ne s'attendait pas à moins. » Sans doute, Florence avait deviné que tout n'allait pas sur des roulettes. Sans doute, son premier mot devait être pour demander où en était Harry. « Et maintenant, dites-moi toute la vérité. Oh, Florence !»« Alors la vérité doit être très fâcheuse, dit doucement Florence. Dites-moi d'abord depuis quand vous l'avez vu. Est-il malade ? Nous l'avons vu vendredi. Il n'est pas malade. Dieu soit loué. Lui est-il arrivé quelque chose ? A-t-il fait une perte d'argent ? Non, je n'ai pas entendu parler d'argent. Alors il est là de moi ? Dites-le-moi, sans ménagement, ma toute chère. Vous me connaissez. Vous savez que je puis tout supporter. Ne me traitez pas comme si j'étais une femme laide. Non, ce n'est pas cela. Il n'est point là de vous. J'aurais voulu que vous l'entendissiez vendredi parler de vous. Il dit que vous étiez la plus noble, la plus pure, la meilleure, la plus charmante des femmes. La bonne Cécile avait parlé imprudemment. Mais était-il possible d'être prudente en un tel moment? Alors, qu'y a-t-il donc? Dit Florence presque sévèrement. Voyez-vous, Cécile, si c'est quelque chose qui touche sa réputation ou son honneur, je passerai par-dessus, malgré tout ce que mon frère pourra dire. Eût-il par impossible commis un meurtre? Je ne le quitterai pas. Je ne le quitterai jamais. À moins qu'il ne me quitte. Où est-il maintenant? Il est à Londres. Mrs. Burton était sortie de chez elle avant d'avoir reçu le billet où Harry lui annonçait son départ pour Clavering. Ce billet l'attendait à Hounslow Crescent. Et le verrai-je? Cécile. Ne pouvez-vous me dire ce qu'il y a? En pareil cas, je vous dirai tout d'un seul mot. Parce que je sais que vous n'êtes pas lâche. Pourquoi ne pas agir de même avec moi? Vous avez entendu parler de Lady Ongar? Entendu parler d'elle, oui. Elle s'est fort mal conduite envers Harry avant de se marier. Elle est revenue à Londres. Elle est veuve. Je sais tout cela. Et Harry est retourné chez elle. Est-ce cela? Voulez-vous me faire comprendre qu'ils vont se marier? Non, je n'en puis dire autant. J'espère que cela ne sera pas. J'en suis même persuadé. Alors, qu'ai-je à craindre? Est-ce qu'elle s'oppose à ce qu'il m'épouse? Qu'a-t-elle à voir dans nos affaires? Elle voudrait que Harry revînt à elle, et Harry a manqué de fermeté. Il est allé souvent chez elle et il a été faible. Tout peut encore s'arranger, Florence, si vous pouvez lui pardonner sa faiblesse. Florence entrevoyait maintenant la vérité, et elle réfléchit longtemps avant de reprendre la parole. Cette veuve, elle le savait, était fort riche, et Harry l'avait aimée avant de venir à Stratton. Elle était libre aujourd'hui, libre de convoler à de secondes noces et en état de faire la fortune de l'homme qu'elle aimerait et épouserait. Lady Ongar était riche, très riche. Fine et gracieuse, elle était belle. De plus, elle avait été la première femme que Harry eût aimée. Qu'est-ce que la pauvre Florence pouvait mettre dans la balance? Avec sa fortune moins que médiocre, ses médiocres attraits, pouvait-elle raisonnablement se mettre en travers quand la destinée jetait sur le chemin de Harry une aussi magnifique capture? Il était faible, disait-on. Mais ne serait-ce pas de la force, plutôt, la force d'un premier amour, qui se réveillait avec une irrésistible puissance devant la femme aimée, devenue libre? Elle, Florence, n'était venue qu'en seconde ligne, elle le savait bien. Elle voyait Harry richement, noblement marié, et se voyait elle-même, insignifiante personne, d'humble naissance, de beauté douteuse, et qui lui avait toujours paru douteuse, et se demandait à quel droit elle aurait eu de le frustrer de tels avantages. J'aurais voulu savoir cela plus tôt, dit-elle d'une voix si basse que Cécile dut tendre l'oreille pour l'entendre. J'aurais voulu savoir cela plus tôt. Je n'aurais pas été un obstacle pour lui. Mais vous ne serez pas un obstacle pour personne, Flo, sinon pour cette Lady Ongar, pas même pour elle, dit Florence en haussant quelque peu la voix et relevant sa tête avec quelque fierté. Ni pour elle, ni pour lui. Je pense repartir tout de suite. Cécile se hasarda à la regarder, la vit très pâle, mais les yeux secs et les lèvres serrées. Il n'était pas venu à l'idée de Mrs. Burton que Florence pourrait prendre la chose de cette manière, qu'elle se montrerait toute prête à céder et à pardonner son futur à sa rivale. Cécile, la femme mariée, parfaitement heureuse dans son ménage, ayant mis dans sa tête d'assurer à Florence une pareille félicité avec Harry Clavering, n'était pas disposée à lâcher prise. Plus que personne, elle tenait à réussir dans tous ses projets. Et dans cette circonstance, le succès était de délivrer Harry de Lady Ongar et de le rendre à Florence. Dans la bataille qu'elle avait à livrer pour cela, elle avait eu d'abord à combattre contre Lady Ongar, cela va sans dire. Ensuite, contre son mari. Et enfin, elle le craignait contre Harry lui-même. Et voilà que Florence aussi passait à l'ennemi. Mais s'avouer battu lui semblait chose intolérable. « Florence, je crois que vous avez tort, » dit-elle. « À ma place, vous sentiriez comme moi. On ne juge pas bien quand on sent trop. La chose à laquelle vous devez penser, c'est son bonheur à lui. J'y pense aussi. Et à sa carrière, et à son avenir. Carrière ? Cela m'impatiente d'entendre parler de carrière. Les hommes n'ont pas besoin d'une carrière, ou ne devraient pas s'en faire un besoin. » Peut-il être bon pour lui d'épouser une femme qui l'a trompée, qui a fait ce qu'elle a fait, de l'épouser tout simplement parce qu'elle s'est enrichie en se vendant? Et vous, faites-vous donc tant de cas de la richesse? Si c'est elle qu'il aime le mieux, je ne saurais le blâmer. Il l'a connue avant de m'avoir vue, il a été loyal, et m'a conté toute l'histoire, ce n'est pas sa faute s'il l'aime plus que moi. En arrivant à Onslow Crescent, la première demi-heure fut donnée aux enfants. Florence observa que le nom de Harry ne leur venait jamais à la bouche. Elle n'en joua pas moins avec Sissy et Sophie pour qui elle avait apporté de Stratton quelques petits cadeaux. Elle tint le baby sur ses genoux, baisant ses petits pieds roses et faisant toutes sortes de petits bruits pour l'amuser. Tout cela aussi gentiment que si elle n'eût pas été sous le coup d'une crise terrible qui attaquait toute son existence. Jusque-là, nulle larme n'avait humecté ses yeux, mais Cécile devinait qu'en secret elle se dédommagerait. « Venez avec moi dans ma chambre. J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle quand la bonne eut emporté le baby, et en même temps, Sissy et Sophie furent envoyées chez leur père. En rentrant, j'ai trouvé un billet de Harry. Mais auparavant, il faut que je vous lise la lettre qu'il m'a écrite vendredi. Il est allé à Clavering, pour affaire, et pour un jour seulement. Mrs. Burton, au fond de son cœur, se trouvait inexcusable d'avoir quitté Londres au moment où Florence y arrivait. Elles montèrent toutes deux, et malgré la recommandation de Cécile, le billet fut lu avant la lettre. « J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux au presbytère, » dit Florence. « Vous voyez qu'il annonce son retour au bout de 24 heures. Peut-être est-il allé leur faire part du changement dans ses projets. Non, ma chère, vous ne comprenez pas bien ses sentiments. Lisez sa lettre et vous en saurez davantage. Pense-t-il à un changement? Il en est trop honteux pour en parler. Il n'ose pas même se l'avouer. » La vérité est qu'elle s'est jetée à sa tête et qu'il ne sait comment se dépêtrer d'elle. Florence lut la lettre très lentement, s'arrêtant sur presque toutes les phrases, et tâchant d'y découvrir quels étaient réellement les désirs de l'écrivain. Quand elle vint à l'apologie que Harry faisait de Lady Ongar, elle fut complètement persuadée et le dit, non sans se voir formellement contredite sur ce point par sa belle-sœur. Après avoir achevé sa lecture, elle reprit la lettre et la rendit. « Si, si, » dit-elle. « Je sais qu'il faut que je parte. Je n'ai pas besoin de le voir, et même je suis bien aise qu'il se soit absenté. »« Mais vous n'avez pas l'intention de renoncer à lui. Si fait, ma très chère. Cependant, vous disiez que vous ne le quitteriez que s'il vous quittait. Il m'a quitté. Non, Florence, non. N'avez-vous pas remarqué ce qu'il dit, que vous êtes la seule femme qui puisse le rendre heureux? Il ne dit pas cela. Mais quand même, il le dirait. Cela ne ferait rien. Il voit bien l'état des choses. » Il dit que je ne pourrais le prendre qu'au cas où il me reviendrait, et il a raison. Comment le pourrais-je, moi, désirer épouser un homme qui ne m'aime pas, qui en aime une autre, et cela quand je sais que lui et elle ne peuvent me regarder que comme une barrière entre eux deux. Quand, en l'épousant, je gâte son avenir, sa fortune. Chère Sissy, réfléchissez-y, et vous-même serez de mon avis. Gâter son avenir, vous l'assureriez. Oui, je vous désire vous voir unis, et lui le désire aussi, je l'ai bien vu quand je l'ai vu ici. Pourquoi seriez-vous sacrifié? L'abnégation serait-elle une vertu s'il n'en coûtait rien? Mais lui, il souffrira aussi, et cela pour un caprice de cette femme. Vous ne pouvez réellement croire qu'un peu plus d'argent le rend heureux. Que dirait-on de lui? Se trouvera-t-il personne qui voulait lui parler ou même le voir? Son père, sa mère et ses sœurs le renieraient, si elles sont telles que vous me l'avez dit. Florence ne voulut pas discuter davantage, mais elle alla dans sa chambre et resta jusqu'à ce que Cécile vînt lui annoncer que Théodore était rentré. Y eut-il des pleurs solitaires dans cette chambre? Probablement, mais pas beaucoup, car l'éducation ne l'avait pas disposée aux sensations hystériques. Les Burton étaient une race active et énergique dont tous les membres prenaient cordialement part aux travaux, aux succès et aussi aux souffrances des leurs, mais sympathisaient peu avec les faiblesses du chagrin. Mrs. Burton, la mère, quand ses enfants dans leur jeu avaient fait une chute, s'étaient écrasés le nez ou écorché le menton, leur disait froidement de se relever et leur demandait à quoi bon leurs jambes, sinon à se tenir dessus. Ils n'avaient pour essuyer leurs larmes que leurs propres poings, et par là avaient appris de bonne heure que les rudes froissements du monde doivent se supporter en silence. Celui qui tombait sur Florence était sans doute de nature plus grave. Il avait pénétré plus profondément que l'épiderme, mais l'effet des leçons d'autrefois n'était pas perdu. Florence se leva du lit sur lequel elle s'était jetée et se préparait à descendre. « Surtout, ne vous en rapportez pas à lui, en aucune façon, » lui dit Cécile. « Je comprends ce que cela veut dire, » répondit Florence. « Il pense comme moi, mais ne craignez rien. Il ne dira pas grand-chose à moi encore moins. Ce ne sont pas des choses dont on aime à parler à un homme, pas même à un frère. » Burton reçut sa sœur avec ce surcroît d'affection qu'inspire la compassion pour un malheur accablant. Il la baisa sur les lèvres, ce qui était rare chez lui, car en général, il se contentait de lui poser les siennes sur le front, et de plus, il mit la main autour de la taille et l'embrassa presque. Cici a-t-elle réussi à vous rencontrer à la station ? Oh oui, sans peine. Théodore croit qu'une femme ne peut se tirer d'affaire dans ce cas-là, dit Cécile. Il s'étonne que nous ne soyons pas encore à nous chercher dans les rues à Londres, et à le chercher aussi. Je crois que si j'avais été là, elle serait arrivée plus tôt à la maison. Nous sommes montés en cab à la minute même, n'est-ce pas, Florence ? La différence, c'est que vous auriez donné 6 pence au facteur et que je lui donnais 1 shilling, parce que j'avais commandé d'avance. Je suppose, dit Florence, que le temps de Théodore vaut bien 6 pence. C'est selon, fit Cécile. Comment la réunion s'est-elle passée ? La réunion était une ânerie, comme toutes les réunions. Il faut des hommes pour faire nombre, pour la montre. Autrement, le public ne mord pas. Voilà pourquoi on a des comités. Mais le vrai travail ne se fait que par 1 ou 2 individus. Adieu, je vais m'arranger pour le dîner. » Le sujet, le véritable sujet, avait ainsi été heureusement évité à cette première rencontre avec l'homme de la maison. La soirée se passa sans qu'il y fût fait aucune allusion. Il fut fort question des enfants, fort question aussi des vieux parents. Il y avait entre eux tous, comme un accord tacite pour reléguer à l'arrière-plan la seule chose d'importance qui les occupa. Tous pensaient à Harry Clavering, mais nul ne parlait de lui. Tous se sentaient malheureux et avec un poids sur le cœur, par sa seule faute, mais personne ne le blâmait. Il avait été reçu dans cette maison à bras ouverts, réchauffé sur leur sein à tous, et comme un serpent les avait piqués. Quoique la blessure fût saignante, pas une plainte ne s'était fait entendre. Burton avait mis dans sa tête qu'il valait mieux enterrer l'affaire dans le silence et ne pas parler de Harry Clavering. Un malheur était tombé sur eux, il fallait le passer au compte profits et pertes et marcher comme auparavant. Harry avait été reçu dans les bureaux comme commis payé, sur le même pied, à vrai dire, que Burton lui-même, mais avec un moindre salaire et des attributions inférieures. Cette position lui avait été accordée à la recommandation à Burton, et il avait été bien entendu que s'il savait se rendre utile, il monterait en grade comme avait fait Théodore. Mais ce n'est que comme appartenant à Burton qu'il avait été admis à ces conditions. Depuis 3 mois, il avait refusé son salaire, disant que ses affaires privées l'avait empêché de paraître dans les bureaux. Comme c'était Théodore qui était chargé du personnel des bureaux, il n'avait pas été besoin d'autres explications. Harry, bien certainement, quitterait la maison et n'aurait plus à figurer dans les annales de la famille Burton. Il serait venu, aurait laissé un souvenir de son passage, terrible souvenir, et serait parti. Ceux qui l'avaient froissé par sa cruauté, écrasé par sa trahison, n'avaient qu'à se remettre sur leurs pieds du mieux qu'ils pourraient et faire le moindre bruit possible de leurs mésaventures. Il y a des coquins en ce monde, et nul n'a le droit de se croire à l'abri de leur tour, par la seule raison qu'on est honnête homme. Les honnêtes gens sont ceux à qui les coquins s'attaquent. Telle était la théorie de Burton en cette matière. Il eût été bien aise d'apprendre par Cécile comment Florence se comportait. Mais à Florence elle-même, il n'eût rien dit, ou presque rien, tant qu'il l'eût vu supporter avec patience et dignité le coup qui tombait sur elle. Mais il ne pouvait se dispenser d'écrire à sa mère. On ne pouvait laisser le vieux couple de Stratton dans l'ignorance de ce qui se passait. Il fallait donc qu'il écrivît à sa mère, à moins que Florence ne l'eût fait elle-même, ce qu'il pourrait savoir par Cécile. Mais il ne voulut pas la questionner ce soir-là. Et le lendemain matin, il partit pour son bureau, ayant simplement appris que Florence avait lu sa lettre à Harry, savait tout et se comportait comme un ange. « Pas pour toi comme un ange de l'espérance, » dit Théodore. « Laissez-les tranquilles un jour ou deux, » dit Cécile. « Il lui faut quelques jours de réflexion. » « Je n'ai pas besoin de vous dire que vous n'aurez jamais à rougir de votre sœur. » Le mardi et le mercredi se passèrent ainsi. Cécile et Florence, quand elles se trouvaient ensemble, reprenaient leurs discussions, mais sans qu'aucune d'elles abandonnât sa manière de voir. Une fois à Londres, Florence avait consenti à y rester jusqu'au retour de Harry, mais à condition qu'on ne lui demanderait pas de le voir. On devait seulement lui dire qu'elle lui pardonnait complètement, qu'elle lui rendait la parole et le laissait libre. Mais c'était un projet qu'elle devait tenir secret même pour son mari, qui ne l'eût pas approuvé. Cette réflexion la porta à croire qu'autant allait laisser les événements à eux-mêmes, sans y intervenir, comme d'abord elle en avait eu envie. Le lendemain matin, il lui vint une lettre, d'une écriture inconnue. Cette lettre, datée de Clavering, était de la mère de Harry. Mais cette Clavering écrivait, à la demande de son fils, qu'il était alité et hors d'état de se rendre à Londres pour le jour où on l'attendait. Il ne fallait pas croire qu'il fût sérieusement malade, ni inquiéter les personnes de sa famille. Mrs. Burton vit par là que Mrs. Clavering ignorait l'apostasie de son fils. Le reste de la lettre disait que Harry écrira lui-même aussitôt qu'il serait en état de le faire, et serait à Londres, suivant toute probabilité, au commencement ou plus tard, à la fin de la semaine suivante. Il n'avait eu qu'un peu de fièvre, et il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Florence ne put qu'écouter et devint très pâle. Maintenant, à tout prix, il fallait rester à Londres. D'après cela, le projet de Mrs. Burton devenait exécutable. Mais quoi, si son mari allait se fâcher pour tout de bon? C'était un malheur qu'elle n'avait pas encore éprouvé.